Seconde Corinthiens chapitre 11. Plus à Dieu que vous me supportassiez un peu dans mon imprudence, mais encore supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai uni un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que comme le serpent séduisit par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent, en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un venait qui vous prêcha un autre Jésus que nous n'avons prêché, ou si vous receviez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez reçu, feriez-vous bien de l'endurer? Mais j'estime que je n'ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres. Que si je suis comme quelqu'un du vulgaire par rapport au langage, je ne le suis pourtant pas en connaissance, mais nous avons été entièrement manifestés en toutes choses envers vous. Et je commis une faute en ce que je me suis abaissé moi-même, afin que vous fussiez élevés, parce que sans rien prendre je vous ai annoncé l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé les autres églises, prenant de quoi m'entretenir pour vous servir. Et lorsque j'étais avec vous, et que j'ai été en nécessité, je ne me suis point relâché du travail, afin de n'être à charge à personne, car les frères qui étaient venus de Macédoine, ont suppléé à ce qui me manquait, et je me suis gardé de vous être à charge en aucune chose, et je m'en garderai encore. La vérité de Christ est en moi, que cette gloire ne me sera point ravie dans les contrées de la Chaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime point? Dieu le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour retrancher l'occasion à ceux qui cherchent l'occasion, afin qu'en ce de quoi ils se glorifient, ils soient aussi trouvés tout tels que nous sommes. Car tels faux apôtres sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement, si ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Je le dis encore, afin que personne ne pense que je sois imprudent, ou bien supportez-moi comme un imprudent, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je vais dire, en rapportant les sujets que j'aurai de me glorifier, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par imprudence. Puis donc que plusieurs se vantent selon la chair, je me vanterai moi aussi. Car vous souffrez volontiers les imprudents, parce que vous êtes sages. Même si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous mange, si quelqu'un prend votre bien, si quelqu'un s'élève sur vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez. Je le dis avec honte, même comme si nous avions été sans aucune force, mais si en quelque chose quelqu'un ose se glorifier, je parle en imprudent, j'ai la même hardiesse. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils de la semence d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un imprudent, je le suis plus qu'eux, en travaux davantage, en blessures plus qu'eux, en prison davantage, en danger de mort plusieurs fois. J'ai reçu des Juifs par 5 fois 40 coups, moins un. J'ai été battu de verge 3 fois, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit en la profonde mer. En voyage souvent, en péril des fleuves, en péril des brigands, en péril de ma nation, en péril des gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril en mer, en péril parmi de faux frères. En peine et en travail, en veille souvent, en faim et en soif, en jeûne souvent, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le soin que j'ai de toutes les églises. Qui est-ce qui est affaibli, que je ne sois aussi affaibli? Qui est-ce qui est scandalisé, que je n'en sois aussi comme brûlé? S'il faut se glorifier, je me glorifierai des choses qui sont de mon infirmité. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur pour le roi Aréta, avait mis des gardes dans la ville des Damaséniens pour me prendre. Mais on me descendit de la muraille dans une corbeille, par une fenêtre, et ainsi j'échappai de ses mains.